et Vandal volume 2. Quartier rouge, KO, RSO, alias, son père, SRI. Ouais, 2009, fuck leur bluff, fuck leur cry. C'est le KR, KO, RSO, son père, SRI. Sur terrain, rester dans les vestiaires. Le rap français me chauffe comme un orphelin qui vient de découvrir son père. Ils veulent tous du liquide, voilà mon père. La semence pourrie d'un alcoolique, presque trentenaire. Je représente mon peu roux, impossible à contenir. Dans un conteneur, puis long time, on contient nos conteneurs. Orfèvre, orfèvre, orpiste, sûrement pas artiste. Authentique, à l'évêque étranger, vos bons les factices. Je suis arrivé normal, sans option, tout fracassé. Les MC m'ont chiné au moins 10 000 euros de caution. Je les ai app, mais c'est chill, vas-y écarte. À la famille, ouais, au mic, on distribue les cartes. Ça fait plaisir, freestyler sur sa mixtape. Faire croquer 3-4 têtes, et le reste on s'empête. Arcane intellect, évitez qu'on s'endette. Les histoires qu'on pète, je leur laisse, j'remplis mon assiette. Appelle ça ego trip, je m'en branle comme un plan craspec. 14-80 secteur, SRI mic check. Ouais, SRI au mic check. Quartier rouge, 94-7-7 ou 14-80 secteur. Ouais, ouais, c'est comme ça. Ça a rien de jalouser, de regarder bien ou mal, ne. Regardez la télé. Okay. Okay.